temps de la jeunesse se passe comme une fleur. Pour deux amis qui s'aiment, qui s'aiment bien tendrement. Amis, voilà le doux portrait, le portrait de ma belle, celle que je vous disais souvent, est celle que mon cœur aime. Celle que mon cœur aime, elle n'est pas loin d'ici. Elle est près de moi, souvent je lui souris. Je lui dis, mon adoré, avec un air fidèle, mais voudrais-tu me marier pour partager nos peines? Le lendemain des noces, il faut faire ses adieux. En regardant la porte, avec les larmes aux yeux, jamais on n'oubliera l'endroit de sa naissance. Là on a eu de plaisir et tant de réjouissance. Là on a eu tant de plaisir et tant